Les rassemblements des jeunes avant-gardistes, des permanentes et des membres de l'Union des femmes se sont tenus le 6 à Pyongyang au théâtre à ciel ouvert du Parc de la Jeunesse et à la Maison des femmes pour appliquer à fond les tâches de programme présentées par le dirigeant suprême Kim Jong-un dans son message de nouvel an. Y ont pris part les cadres intéressés de l'Union de la Jeunesse, de l'Union des femmes, les jeunes étudiants ainsi que les membres de l'Union des femmes. Les orateurs ont dit que l'historique message de nouvel an du maréchal Kim Jong-un sert d'étendard de sport insufflant certitude et courage sans tuple à tous les militaires et civils du pays engagés dans la marche de la nouvelle année, et aussi de guide noble et précieux permettant d'auréoler cette année des événements et miracles à inscrire cette année dans l'histoire nationale. Ils ont invité tous à s'engager comme un seul dans l'application parfaite des tâches du message de nouvel an pour remporter une plus grande victoire et inaugurer l'âge d'or de la révolution.